grands yeux clos, dans lesquels se contemplent les idiots. Qu'à l'extérieur de son corps, je me mets à vibrer. Au fond de l'étang, tout au fond.